إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد donc الحمد لله aujourd'hui c'est le cours numéro 4 dans la question du mariage et des problèmes qui ont rapport avec le mariage et comment régler ces problèmes inshallah. Et la dernière fois, le dernier cours, on avait parlé du problème de la pauvreté, hein, al-faqr. Et on avait expliqué qu'en réalité, il faut pas qu'on considère que la pauvreté d'une personne soit un obstacle pour son mariage. Parce que l'important en réalité, c'est pas sa richesse, c'est pas son statut social, mais c'est surtout et avant tout sa piété et sa foi, hein, et son bon comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a toujours insisté là-dessus, et on avait mentionné même les preuves à ce sujet-là pour montrer que le plus important, c'est l'argent. C'est la foi. Aujourd'hui, c'est ça, c'est l'argent. Les gens, ils te demandent ça en premier. Mais le plus important, c'est l'iman wa al-khuluq. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. نعم. Donc aujourd'hui, on va parler de encore de ça, de la pauvreté pour commencer, mais on va parler des moyens pour que l'islam a amené pour essayer d'aider dans la question de la pauvreté, parce que c'est sûr que dans l'islam, ça prend quand même si ça prend pas tellement d'argent, mais ça en prend quand même un peu. Puis si quelqu'un est vraiment pauvre, eh bien il y a des moyens pour l'aider, pour lui faciliter les choses, parce que le mariage est très très très important dans l'islam, hein, d'accord. Donc alhamdoulillah. Et on a remarqué que, d'après ce que j'ai remarqué souvent, des gens quand ils veulent se marier, un musulman quand il veut se marier, s'il veut se marier avec une femme qui n'est pas musulmane, c'est très facile. Hein? C'est très facile, il n'y a pas trop de complications en général. Mais quand il veut se marier avec une musulmane, on dirait que c'est très très difficile. Hein? Et plus la fille qu'il veut épouser, c'est une fille d'une bonne famille et tout ça, ben plus la question est difficile, encore plus que pour une autre situation. Donc même si un homme est sur sa religion, puis il s'accroche, puis il fait des efforts, eh ben c'est très difficile quand même pour lui parfois d'arriver à se marier. Donc des exemples de comment l'islam a amené des solutions pour aider les jeunes qui veulent se marier, qui n'ont pas beaucoup d'argent. Premièrement, il y a le fait que les parents, en particulier le père, il doit aider son fils à se marier. Dans l'islam, le père, il a la responsabilité de marier son fils, ou de l'aider à se marier s'il en a besoin. J'ai rencontré des frères, hein, des musulmans, et les gens ont l'habitude parfois, quand ils disent un frère, c'est juste comme quelqu'un qui a une grosse barbe puis qui porte le kamis, sinon il l'appelle pas frère. Alors qu'en réalité tous les musulmans sont des frères, qu'ils aient une barbe ou qu'ils aient pas de barbe, ce sont des frères parce que ce sont des musulmans. Innama al-mu'minuna ikhwa. Donc on est tous des frères. Mais quand je dis ça, lui il a pas de barbe, mais quand même, c'est un frère. Et yani, il faisait des péchés, il sortait avec des filles et tout ça. Et il vient d'un pays musulman, et sa famille c'est des musulmans, etc. Donc, je lui ai conseillé de se marier, parce que j'ai dit, écoute, hein, t'es jeune et puis je te vois comme ça courir à gauche, à droite, pourquoi tu te maries pas? Et c'est une famille qui ont de l'argent, c'est des gens qui sont fortunés parmi les musulmans, c'est-à-dire ils ont un très bon travail et beaucoup d'argent, ok? Donc c'est des gens qui ont les moyens d'envoyer, ses parents vivent dans un pays musulman et il envoie son fils, en fait tous ses enfants, venir étudier ici, donc c'est-à-dire ils dépensent beaucoup d'argent pour payer les droits d'études et tout ça, donc ils ont beaucoup d'argent, et en plus le père il paye l'appartement pour les enfants, puis il paye les études et toutes les dépenses de ses enfants quand ils sont ici au Canada. Donc ça veut dire que c'est des gens qui ont beaucoup d'argent, ok? Et oui c'est ça, donc, et c'est un gars très brillant, très avancé dans les études, ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que bon, il a les moyens, puis bon, il rencontre des filles et tout ça, il fait des choses haram. Alors je lui dis, pourquoi tu te maries pas et tu fais qu'est-ce qui est halal au lieu de faire ce qui est haram? Et il m'a dit, ah, ça coûte cher se marier et puis j'ai pas les moyens. D'accord? Donc c'est incroyable. Et là après je lui dis, mais mon frère, comme si t'as les moyens, t'as un appartement, t'as tout ce qu'il faut, ton père il te donne de l'argent, donc pourquoi tu te maries pas? Il me dit non, je voudrais pas dépendre de mon père pour qu'il dépense de l'argent sur moi pour me marier et tout, je veux faire mes affaires par moi-même. Quand j'aurai terminé mes études, quand j'aurai ma maison et tout, là je vais penser au mariage, maintenant c'est pas le temps. Donc c'est l'exemple de comment certains musulmans pensent. Ils n'ont pas dans l'esprit que c'est une responsabilité, un devoir pour le père de donner les moyens à son fils s'il n'en a pas les moyens et s'il ressent le besoin de se marier et s'il risque de tomber dans quelque chose de haram, que c'est son devoir de faciliter pour son fils les choses qui sont nécessaires pour qu'il se marie. S'il est capable, si le père est capable, bien sûr, s'il n'est pas capable, c'est autre chose. S'il n'a pas les moyens, c'est autre chose, mais s'il a les moyens, il faut qu'il fasse quelque chose pour son fils. Et un exemple de ça, par exemple, il y a écrit ici dans le livre At-Tadabir al-Waqiya min al-Zina fi al-Fiqh al-Islami, on peut lire que le Cheikh a dit Amma mas'uliyat al-aba fi tazwij al-awlad, faqad rawa al-Imam al-Bayhaqi an ibn Abbas radiyallahu anhuma qala Rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam, man wulid lahu walad فليحسن اسمه وأدبه فإذا بلغ فليزوجه فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثما فإنما اسمه على أبيه. وفي رواية أخرى للإمام البيهقي أيضا عن عمر بن الخطاب وأنس بن مالك رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي التوراة مكتوب قد بلغ من بلغت ابنته من بلغت ابنته 12 سنة ولم يزوجها فأصابت إثما فإثم ذلك عليه. D'accord, ça c'est rapporté par Al-Bayhaqi dans Shu'ab al-Iman et il est également dans Mishkat al-Masabih qui a été vérifié par le Cheikh Mohamed Nasruddin al-Albani dans le volume 2. Donc, on voit dans ce hadith qu'est-ce que ça signifie. Le Cheikh il dit que c'est la responsabilité du père de marier ses enfants. Et l'imam al-Bayhaqi, donc, il a rapporté selon Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Celui qui a eu un fils, alors qu'il lui choisisse un bon nom, et qu'il l'éduque bien qu'il lui donne une bonne éducation. Et lorsqu'il a atteint la puberté, qu'il le marie. Parce que s'il atteint la puberté et qu'il ne le marie pas, et qu'il tombe dans un péché, alors le péché sera sur son père. Ça veut dire que le père aura une part de la responsabilité du péché de son fils, parce qu'il n'a pas fait ce qui est nécessaire pour le marier. Et il y a une note au sujet de ce point-là, le cheikh il dit que la signification du hadith, ça ne veut pas dire que le jeune lui-même il est innocent du péché. Ça ne veut pas dire que l'enfant qui a fait le péché, il est innocent du péché. Mais, même s'il est majeur, ben, c'est pas même s'il est majeur, mais ça, qu'est-ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que le père a une part de la responsabilité que le fils n'a pas de responsabilité lui d'avoir fait ce qu'il a fait. Ça veut seulement dire que le père est comme complice ou bien qu'il a une part du péché de son fils parce qu'il a été une cause ou bien qu'il a manqué à son devoir de marier son enfant. Et après, il y a une autre narration de l'imam al-Bayhaqi rapportée selon Omar ibn al-Khattab et Anas ibn Malik que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'était écrit dans la Torah que lorsqu'un homme a une fille qui atteint l'âge de 12 ans et qu'il ne l'a pas mariée et qu'elle tombe dans un péché, alors ce péché-là retombe sur lui. C'est-à-dire, le père, il a une responsabilité pour le péché de sa fille s'il ne l'a pas mariée. Hein? Et on voit que il a mentionné l'âge de 12 ans. Hein? Et 12 ans, c'est l'âge à laquelle les jeunes filles dans ce pays, ici au Canada, commencent à faire le zina. Hein? Ouais, à partir de 12 ans, et même des fois, ça dépend même des fois plus jeune, mais en général, à partir de 12 ans jusqu'à 16 ans, c'est l'âge où les filles ici commencent à faire le haram. Ok? Donc ça veut dire que nous maintenant, on entend cet âge-là, puis on dit, subhanallah, comme c'est trop jeune. Alors qu'en réalité, c'est l'âge à laquelle se mariaient les musulmans depuis des siècles et des siècles. Et c'est juste aujourd'hui que, depuis les dernières années, que les gens ont commencé à retarder le mariage. Et dans certains pays, les gens ont fait des lois pour dire que l'âge minimum pour le mariage, c'est 18 ans. Hein? En Algérie et dans d'autres pays. Au Maroc, c'était 16 ans. Et dernièrement, ils viennent de changer la loi. Et c'est devenu 18 ans maintenant. Ouais, c'est ça, ils disent que, ouais. Mais en tout cas, tout ça, c'est en tout cas, Allahu a'lam pourquoi ils ont changé ces lois-là. Parce que dans l'islam, il n'y a pas d'âge de minimum ou maximum pour se marier. Hein. En général, c'est une fois que la personne a atteint l'âge de la puberté, il est encouragé de se marier. Et par exemple, comme on voit par exemple dans, je pense qu'en Tunisie, Allahu a'lam, l'âge pour le mariage, c'est, je crois que c'est 25 ou 28 ans. Et vous voyez que les pays où il y a un retard comme ça pour le mariage, souvent c'est des pays où il y a que le péché est répandu. Le zina, hein, le fujour partout est répandu dans cette société-là. Parce que tu peux pas retarder le mariage, c'est quelque chose de naturel. Et si tu retardes le mariage, c'est comme si tu vas avec une bombe à retardement. Bon, en Tunisie par exemple, puis dans d'autres pays musulmans, ils jouent avec l'âge du mariage comme ça pour retarder. Puis comme je disais, quand on retarde l'âge du mariage, c'est comme une bombe à retardement. J'avais mentionné quelque chose aussi parce que des fois il y a des frères qui m'ont parlé de. On parlait de ça hier, puis j'ai déjà parlé de ça plusieurs fois avec des frères, à propos de qu'est-ce qui s'est passé en Algérie, par exemple, le manque de logement. Il y a des frères qui m'ont parlé en Algérie qu'il y avait un manque de logement, puis à cause de ça, les jeunes n'avaient pas la facilité pour se marier, Et on sait que la population de l'Algérie, la majorité, c'est des, en grande partie, c'est des jeunes, hein. Et donc, c'est normal que c'est nécessaire pour eux de se marier. Mais étant donné qu'il y a un manque de logement, eh ben, où est-ce qu'ils vont habiter s'ils veulent se marier? Il n'y a pas de possibilité. Et donc, ça crée beaucoup de problèmes. Et en discutant avec les frères, j'essaie de comprendre pourquoi il y avait eu ce manque de logement-là. Parce que ça, normalement, ça ne doit pas. C'est ça. Donc, en principe, il ne devrait pas y avoir ce genre de problème dans un pays musulman. Puis, qu'est-ce qu'on a remarqué, c'est que, d'après ce que j'ai compris, c'est parce que c'est un pays socialiste. Puis, dans le socialisme, c'est comme les idées de communistes, socialistes et tout ça, ils croient que. C'est basé sur l'idée que tout appartient à l'État, et c'est l'État qui doit gérer tout qu'est-ce qui se passe dans le pays, dans les questions économiques. Et si c'était une question d'entreprise privée ou des individus qui investissent dans le bâtiment, en faisant bâtir des maisons, des habitations, des logements pour les gens, eh bien c'est bien entendu que la société se développe beaucoup mieux et beaucoup plus rapidement. Toutefois, quand tout repose sur l'État, puis que l'État ne fait pas son devoir, eh bien, ça retarde tout. Et tu ne peux pas laisser une population de jeunes musulmans comme ça, et puis tu ne leur fournis pas le nécessaire pour les aider à justement se marier. Et donc ça cause beaucoup de problèmes dans la société. Surtout, qu'est-ce qu'on sait de la quantité de jeunes et la nécessité du mariage. Donc ça, c'est un exemple. De problèmes. On a parlé de la responsabilité des pères, que c'est à eux de veiller, disons, à faire en sorte que leurs enfants, on leur facilite le mariage, mais aussi c'est une responsabilité pour la société d'aider les jeunes qui veulent se marier aussi, économiquement et de d'autres façons. Donc, c'est pas juste pour dire, ah, le jeune, il va finir ses études, il va travailler, puis il va s'occuper de lui-même, il va tout faire tout seul. Mais s'il est trop jeune ou s'il est plus jeune et qu'il n'a pas les moyens de le faire, et que les parents sont capables de le faire, de l'aider et tout, eh bien, ils doivent l'aider. Hein. Même si, par exemple, il y a des familles qui sont religieuses ou qui ont compris l'importance du mariage, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont pris une partie de la maison et puis ils ont dit, bon, ça y est, toi, tu veux te marier, tu viens puis tu vas habiter avec ta femme chez nous en attendant que tu aies les moyens d'aller de tes propres ailes et puis on va te faciliter les choses, hein, ça c'est un exemple. Ou bien sinon, s'il a les moyens, on dit bon, si tu peux pas payer le loyer complet, ben, on va te donner un peu d'argent pour t'aider à payer le loyer, puis tu trouves un travail, puis tu vas t'arranger pour essayer de t'organiser par la suite, petit à petit. Donc tout ça, c'est pour essayer de faciliter les choses. Parce que, comme l'exemple de la personne que j'ai mentionné tout à l'heure, si son père est capable de dépenser tout cet argent-là pour l'avenir de son fils dans les questions de dunya, et de lui donner de l'argent de poche, et de lui payer l'inscription à l'université, et de lui payer tout ce qu'il a besoin ici dans ces affaires-là, qu'est-ce qui lui empêche de l'aider à se marier et à se protéger du zina et à se protéger du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein? S'il est capable de le faire, il est capable de faire ça aussi. Donc, tout ça c'est pour montrer que ça revient pas seulement sur le dos de la personne de faire en sorte de faciliter les choses pour le mariage, mais ça revient également au père et à la société. Et même si dans un pays musulman, il y a par exemple ce qu'on appelle Baytul Mal al-Muslimin, c'est l'argent qui est, disons, le trésor des musulmans, là où il y a par exemple les sadaqat, les zakat et tous les argents qui rentrent, par exemple que ce soit le ranima ou d'autres choses, et bien de donner de l'argent aux gens qui en ont besoin, comme les jeunes et d'autres, pour se marier. Hein, ils ont le droit de recevoir de la zakat ou de recevoir de la sadaqa, ou même ils ont le droit aussi d'emprunter de l'argent pour pouvoir se marier, hein, et plus tard ils le remettent à ceux qui leur prêtent pour les aider à se marier, parce que c'est une bonne action, c'est quelque chose qui fait partie de, c'est la moitié de ta religion, le mariage. Donc, c'est important d'aider quelqu'un à remplir la moitié de sa religion, dans ce sens-là. D'accord? Donc, tout ça, ça fait partie des choses qu'il faut faire entre musulmans, de s'entraider entre nous, puis les familles, de s'aider, hein, d'aider leurs enfants pour se marier, la société, etc. Donc, tout le monde a son rôle à jouer là-dedans. Et il y a des ulamas qui ont mentionné que c'est nécessaire pour le père d'aider son fils à se marier. Comme le chef a mentionné la parole d'Ibn Qudama dans Al-Mughni, et il a dit que ça c'est le mazhab de l'imam Shafi'i sur cette question-là. Puis, bien entendu, il y a d'autres aussi qui ont eu cette position-là également. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, le prochain point c'est, on a parlé de ça. Il y a des causes aussi des fois qui font que les gens, par exemple, ils disent « Oh, le mariage ça coûte cher et on n'a pas les moyens et tout ça », mais des fois c'est faussé. Pourquoi? Parce que les gens ont rajouté ou bien les gens ont exagéré dans certaines choses. Par exemple le mahar. Hein, dans certaines sociétés, dans certains pays, les gens ont exagéré le mahar. Ils l'ont élevé à un tellement, ils l'ont tellement mis à un prix, disons, élevé, que pour une personne, un jeune ordinaire, c'est impossible pour lui de rassembler une somme d'argent pour être capable de payer le mahar d'une fille. Hein, ça, s'il veut se marier dans certains pays. Hein. Et bon, en particulier dans les pays où il y a plus de, les gens ont plus de moyens. Sinon, dans d'autres pays, bon, c'est plus raisonnable, mais c'est quand même des fois très très élevé. D'accord? Donc, une des choses que l'islam a incité de faire, c'est de baisser le mahar le plus possible pour que le mariage soit plus facile pour les gens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que le meilleur mariage, ou le mariage qui est qui a plus de baraka, c'est celui qui a un mahar qui est plus petit. Et également, il y a les questions des fêtes de mariage. Oui, c'est ça, exactement. Les gens, pour les fêtes de mariage, des fois, ils louent des salles de réception, ils louent des orchestres, hein, il y en a qui, hein, ils font des orchestres, il y en a qui, bon, et la nourriture et tout, et tout, et tout. Au lieu de faire une fête, une petite fête raisonnable, et d'éliminer, bon, si on élimine tout ce qui est haram dans ces fêtes-là, comme ils font le truc des orchestres et tout ça, déjà, la musique c'est haram, hein, ce que le prophète Zansom a permis dans le mariage, c'est ad-douf, de frapper avec le douf pour les femmes, pas pour les hommes, mais les femmes entre elles font ça. Il n'y a pas de mélange entre les hommes et les femmes, ça doit être séparé, les femmes d'un côté, les hommes d'un côté. Ad-douf, c'est comme un genre de tambourin, avec une peau là de... frapper dans la main, oui, mais... Ouais, oui, elle tape dans la main, oui, sur le douf, en principe, puis elle chante des petites chansons là, de mariage et des trucs comme ça. Ça, c'est permis. Mais pas comme les femmes font, ou les gens font maintenant aujourd'hui, de louer des orchestres, puis avec des DJ, puis faire des systèmes de son, puis... toutes les lumières, puis tout ça, puis les gens qui dansent comme si c'était une discothèque, ça c'est haram. Et la nourriture aussi, ça peut être très simple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à un sahabi qui n'avait pas beaucoup d'argent, « Awlim walaw bishar », c'est-à-dire, fais ton walima, même si tu as juste une chèvre, tu le fais avec une chèvre. Et c'est pas nécessaire que ce soit avec des centaines de moutons, puis comme les gens veulent faire des choses trop prestigieuses qui sont au-dessus de leurs moyens, et ça rend la vie difficile aux gens. Si on suivait la sunna, eh bien le mariage serait très simple. L'autre jour j'écoutais un discours ou bien une conférence, le cheikh Salih Al-Fawzan, Cheikh Mohammed Ibn Salih Al-Uthaymeen, on lui a qu'on lui a demandé de parler à l'occasion d'un mariage. Et il a commencé à parler et il a raconté une histoire qu'il y a un homme qui est venu, puis il a fait le cheikh a fait le mariage pour lui. Et quand il est arrivé pour mentionner le mahar, il a dit je donne ma fille en mariage à cet homme pour le mahar de 1 rial. Alors, 1 rial, c'est même pas 50 sous canadiens, c'est même pas 1 dollar. C'est comme peut-être 35 sous, quelque chose comme ça. Donc, l'homme a dit, Cheikh Ibn Afaymin a dit, mais tu t'es trompé. Sûrement tu n'as pas donné juste tu n'as pas accepté seulement un rial. Et l'homme a répondu, il a dit non chef, j'ai accepté de donner ma fille à cet homme pour un rial. Hein, il lui a donné disons un mahar symbolique, parce qu'il dit moi je sais pas, je veux pas vendre ma fille. Hein, je la donne en mariage à un homme qui est un bon musulman et c'est pas pour la vendre et d'avoir de l'argent en échange, mais en tout cas, le cheikh il a parlé beaucoup des questions de mahar. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce qu'on va revenir à ça quand on va parler des conditions du mariage. C'est juste pour mentionner les choses qui font exagérer les gens dans le mahar, comme les fêtes de mariage et les robes et tout, les cérémonies que les gens font. La femme elle exige par exemple des bijoux en or et puis elle exige des robes, elle exige des sons, plein de choses, et puis disons que ça devient très lourd pour un jeune musulman qui n'a pas beaucoup d'argent, hein. Et puis bon, s'il commence humblement avec peu de moyens et que Allah subhanahu wa ta'ala leur donne al-baraka plus tard, eh bien elle va en avoir des bijoux, elle va en avoir des robes et des beaux bijoux plus tard. Mais pour commencer, le plus important, même si c'est peu, mais alhamdoulilah, yani tu commences petit à petit, hein. Même si, par exemple, il y a des frères qui se sont mariés, ils n'avaient rien. Ils n'avaient pas de sofa, ils n'avaient pas de lit, ils n'avaient pas de poêle, ils n'avaient pas de réfrigérateur, ils n'avaient rien. Petit à petit, ils ont acheté les choses. Ils se sont mariés, ils ont commencé, ils ont acheté un lit, après ils ont acheté un poêle, un réfrigérateur, après ils ont acheté une laveuse, ils ont acheté une sécheuse, hein. Puis petit à petit après ils sont maintenant mashallah, ils ont la voiture, tout ce qu'ils voulaient, tout ce qu'ils ont besoin, ils l'ont maintenant. Au début c'était difficile, mais avec un peu de patience, hein, tant qu'ils se sont mariés dans le but de plaire Allah subhanahu wa ta'ala et de se rapprocher du bien et de s'éloigner du mal, et bien Allah subhanahu wa ta'ala leur a facilité les choses. Et c'est ça, c'est comme ça que le musulman il doit voir la question du mariage. Et c'est comme ça que les salafs, ils regardaient le mariage. Ils ne voyaient pas le mariage comme une chose, comme un projet, comme une entreprise, hein, qu'il faut que ça amène du profit. Puis... Non, ils voyaient ça des choses très très simples. Les salafs, ils étaient simples dans la vie. Hein, et ils vivaient vraiment d'une façon simple et ils ne se cassaient pas la tête et ils ne se faisaient pas des problèmes inutiles pour rien. Donc, alhamdoulilah, si nous on vivait comme eux et on suivait leur exemple, eh bien c'est sûr que notre vie serait bien meilleure aujourd'hui. Et on n'aurait pas tous les problèmes qu'on a aujourd'hui dans ces problèmes-là. Bon, il y a comme raison, des fois d'autres problèmes, mais je pense qu'on a fait le tour des problèmes, je pense, est-ce que vous en avez d'autres en tête? Pour eux. Ben des fois, ou bien des fois il y a le père qui prend une partie du mahar de la fille, hein. Ouais. Uh-huh. Ah ouais? Un dépôt de combien? 46? $1000? Pourquoi faire? Ok, bien, yeah. Ok, Et qu'est-ce qui arrive après si ça marche pas? Il garde le dépôt? Ah oui, Mashallah. En tout cas, ça c'est. Des fois, c'est les gens, ils s'inventent des règles comme ça, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est incroyable. Ici à Montréal? Ah ouais? Ok. Ok. Il faut, des pères comme ça, il faut leur dire, est-ce que c'est toi qui vas se marier avec moi ou bien c'est ta fille qui va se marier avec moi? Hein? Non, c'est grave. Il y en a des fois, comme on dit, c'est même ça que j'avais marqué comme autre cause des problèmes dans le mariage, souvent c'est les responsables des filles. Des fois, la fille, elle est simple, elle veut juste arriver à se marier et faire ce qui est bien pour elle, mais à cause du père qui met trop de conditions, et la mère parfois c'est la mère qui exagère plus que le père, elle met tellement de conditions qu'à la fin, c'est presque impossible pour quelqu'un de respecter ces conditions-là. Et donc, ça nuit à la fille par la suite. Et dans un pays musulman, selon les règles de la charia, si un père empêche sa fille de se marier pour des raisons futiles, comme ça, et qu'à chaque fois qu'il y a un prétendant comme ça, même s'il est bien, on le refuse pour n'importe quelle raison, la fille a le droit d'aller demander au juge de la marier, et son père n'aura plus le droit de l'interdire de se marier dans des cas comme ça. Ça c'est dans des cas où c'est vraiment nécessaire, hein. Mais souvent, bon, même si c'est possible des cas comme ça, des fois qu'est-ce qui se passe, c'est que les gens n'osent pas prendre les droits qu'ils ont parce que ça crée des problèmes par la suite dans la famille, hein. Mais à force de continuer comme ça, de toujours laisser passer les choses, puis d'accepter les injustices entre nous, eh bien ça arrive à la situation qu'on est dans l'état dans lequel on est aujourd'hui, que les problèmes ne se règlent jamais. Administratives, comme par exemple les papiers. Mais c'est parce que des fois c'est un problème aussi qu'il y a des gens, qui ont eu des mauvaises expériences. Par exemple, récemment, il y a une femme qui était convertie à l'islam, qui s'était mariée avec un musulman d'un pays musulman, s'est mariée avec elle, puis elle s'est convertie à l'islam. Mais une fois qu'il a eu ses papiers, il s'est enfui, tu vois? Ouais, même il s'est enfui. Et il a laissé la femme avec des dettes et avec plein de choses, parce que une fois que la femme a parrainé cet homme-là, c'est elle qui est responsable de lui par la suite. Donc elle doit rembourser tout l'argent qu'il a emprunté ou que. Donc c'est vraiment des cas de malhonnêteté comme ça. Ça c'est sans parler que déjà les savants ont interdit à un musulman de prendre la nationalité d'un pays non musulman, la citoyenneté d'un pays non musulman. Ça en partant c'est haram, mais se marier pour ça c'est encore, ça augmente, ça fait juste augmenter parce que de prendre la nationalité d'un pays musulman, d'un pays non musulman, ça implique que tu leur donnes ton allégeance, tu leur donnes ton voilà, et que tu es satisfait de leur loi et de leur système, et ça c'est contraire au fondement de la charia, parce que dans l'islam, al-wala c'est pour Allah et pour les mu'minines, et al-bara c'est pour, encore une fois, tatawalla min al-kuffar al-mushrikin, tatabarra, pardon, min al-kuffar al-mushrikin, donc, et tu doit faire al-kufru bit-tahut, doit rejeter le tahut. Et bien entendu, les lois qui sont opposées à la sharia sont parmi les choses qui font partie du tahut. Donc, du fait de les agréer et de les supporter et de prêter allégeance à ces lois-là et à un dirigeant non musulman, eh ben tout ça, ça implique des contradictions avec les fondements de la ilaha illallah, les fondements de l'islam. Et c'est une forme de wala pour les kuffars. Et ça c'est, bien entendu, c'est haram. Et si quelqu'un le fait avec le cœur et qu'il agrée le kuffre, eh ben dans ce cas-là, il est kafir. S'il est satisfait de leurs lois et qu'il les accepte dans son cœur et qu'il les aime, eh ben dans ce cas-là, c'est sûr qu'il est kafir. Mais s'il le fait juste comme ça, mais que dans son cœur il les déteste et qu'il n'est pas d'accord avec ces lois-là, parce que là c'est, on peut dire kufr duna kufr. Voilà, c'est un kufr mineur, qui ne fait pas sortir quelqu'un de l'islam, mais qui est dangereux quand même. Donc ça c'est les exemples de choses comme ça qui font que lorsque les gens ont entendu des cas comme ça, des fois c'est pas juste avec des femmes non musulmanes, qui se convertissent, des fois c'est même avec des musulmans qui sont nés ici. J'ai connu une famille qui avait marié leur fille à un musulman d'un pays musulman, du même pays, hein, et le garçon, il n'avait pas de papier, la fille l'a parrainé et tout. Une fois qu'il a eu ses papiers, il a laissé tomber la fille, hein. Donc ça c'est des cas où on voit que, on pense que ah ça c'est des gens bien, et puis on réalise par la suite que c'est déjà malhonnête. Ouais, si quelqu'un veut marier une femme, comme par exemple, des fois, comme on a dit souvent, des frères qui cherchent des filles ici, qui n'arrivent pas à trouver des bonnes filles musulmanes, hein, parce que la plupart des filles musulmanes ici, bon, elles veulent pas porter le hijab, elles veulent pas rester à la maison, elles veulent pas disons avoir des enfants et être une femme de maison. Elle veut plutôt vivre comme les femmes d'ici, alors ils sont obligés d'aller dans des pays musulmans, trouver des filles qui vont vouloir accepter de vivre selon l'islam et tout ça. Et donc quand ils vont là-bas, pour les faire revenir ici, ça demande beaucoup de papiers, d'administration, beaucoup d'argent à dépenser pour ça. Et donc ça fait des problèmes par la suite, ok. Et j'ai ramené quelques fatwas sur la question, par exemple, de qu'est-ce qu'on a parlé la dernière fois au sujet de la nationalité, hein, parce qu'il y a des musulmans qui veulent uniquement se marier avec des musulmans de leur pays, et qui disent non, on veut pas accepter quelqu'un s'il n'est pas de notre pays. Donc des fois c'est des pays qui sont voisins, hein, des gens qui viennent d'un pays voisin à un autre, et le père ou la mère refuse le garçon ou la fille parce qu'elle n'est pas du même pays, et ça, il n'y a pas de doute que ça n'a rien à voir avec l'islam. Et on a posé la question au Cheikh Ibn Baz à ce sujet-là, et le Cheikh Ibn Baz, il a répondu à ce sujet-là d'une réponse vraiment convaincante et vraiment détaillée. Donc on va la lire, cette réponse-là, pour clarifier ce point. Le Cheikh il répond, il dit « Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wallahu amma ba'd. Faqad ajma'a ulama l'islam ala jawaz zawaj rajul min imra'atin min zayri qabilatih iza attahada ad-din. Wa ajma'u aydan على جواز نكاح المسلم بالمحصنة من أهل الكتاب ولو كانت من غير العرب، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة وعمل السلف وعمل سلف الأمة كثيرة، منها قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Inna Allaha alimun khabir. Donc le cheikh il commence en disant louange à Allah et paix et salut sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et sur sa famille et ceux qui l'ont suivi et qui ont défendu sa cause. Amma ba'd, les ulama se sont mis d'accord, les ulama de l'islam sont tous d'accord que c'est permis pour un homme d'épouser une femme qui n'est pas de sa tribu, qui n'est pas de son pays ou de sa nationalité, etc. Et c'est-à-dire lorsqu'ils ont la même religion, lorsqu'ils sont musulmans. Et ils sont également d'accord sur le fait qu'il est permis pour un musulman d'épouser une femme parmi les femmes des gens du livre, une juive ou une chrétienne, si elle est muhsana. Si elle est muhsana, c'est-à-dire qu'elle est chaste, c'est pas une fille qui a l'habitude de courir à gauche et à droite avec des hommes, ou d'avoir des rapports illicites avec des hommes et des choses comme ça. Donc c'est connu comme étant une fille chaste, et ça on sait que c'est très rare ici, une fille vierge, chrétienne ou juive, non, c'est peut-être juive, tu peux en trouver, des filles qui sont dans la très très religieuses, mais aussi des chrétiennes, mais ça c'est comme on dit, c'est très rare, sinon en majorité des filles qui sont ici, qui sont chrétiennes, ben, à l'âge de 16 ans, elles ne sont plus vierges. Et ça, c'est donc la preuve qu'on peut marier des femmes qui ne sont pas arabes non plus, ou qui ne sont pas de la même tribu que nous, ou du même pays que nous. Et ça, la question du mariage avec les non-musulmans, les non-musulmanes, on va y revenir quand on va parler des règles à ce sujet-là, on va détailler la question, parce qu'il y a des détails, bien entendu, à connaître à ce sujet-là. Et le cheikh, il dit qu'il y a des preuves dans le Coran et dans la Sunna, et dans les actions des salafs de la Umma, qui prouvent que c'est permis pour les gens de se marier entre eux, même s'ils ne sont pas de la même tribu, et de la même origine ou nationalité, etc. Le cheikh, il dit, « Ya ayyuhan nas », il a dit la parole d'Allah, dans laquelle Allah il dit, « Oh vous les hommes, nous avons créé d'un homme et d'une femme, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus pour que vous connaissiez les uns les autres. Et le plus noble d'entre vous, c'est le plus pieux, celui qui craint le plus Allah. » Donc, ensuite Allah, il termine ce verset-là en disant que certes Allah est savant et bien informé. Le cheikh dit « فأوضح الله في هذه الآية الكريمة لعباده أنه لا ميزة لأحد على أحد ولا فضل لأحد على أحد عند الله سبحانه إلا بالتقوى فأكرم الناس عند الله أتقاهم وسئل النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس فقال أتقاهم. Donc le cheikh il explique que Allah a clarifié dans ce verset-là à ses serviteurs qu'il n'y a pas de particularité ou de privilège d'une personne ou de mérite d'une personne plus qu'une autre. Et une personne n'est pas meilleure qu'une autre. Hein? Quelqu'un n'est pas meilleur qu'une autre ou un peuple n'est pas meilleur qu'un autre, excepté s'ils ont à taqwa plus que les autres. C'est-à-dire, c'est la taqwa qui fait la différence entre les gens et non pas leur origine ou leur nationalité ou leur langue, ou leur race ou leur couleur ou autre chose de ce genre. Donc, pour Allah, la plus noble des créatures, c'est la plus pieuse. Ça veut dire celui qui fait ce que Allah a ordonné et qui s'éloigne de ce que Allah a interdit. C'est ça, taqwa. Et on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam la question, qui est le plus noble parmi les hommes? Et il a dit que c'est celui qui a plus de crainte ou de plus de taqwa. Hein? Donc c'est lui le plus noble. فدلت الآية المذكورة والحديث المذكور أن القبائل فيما بينها متكافئة وأنه يجوز للقرشي والهاشمي أن ينكح من تميم وقحطان وغيرهما من القبائل وعليكم السلام وهكذا عكس ذلك وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل بني هاشم زينب بنت جحش وهي من أسد من بني أسد ابن خزيمة ليست قرشية. Donc le cheikh maintenant il commence à donner des exemples. Il dit que dans le verset et dans le hadith qu'on a mentionné, il y a la preuve que toutes les tribus se valent les unes les autres. Il n'y a pas de préférence ou il n'y a pas une tribu qui est meilleure qu'une autre. Hein? Dans les questions entre les musulmans, hein? Entre les musulmans en ce qui concerne les questions de mariage. C'est At-Taqwa qui fait la distinction et la différence. Et le cheikh il dit que c'est permis pour un Qurashi, quelqu'un qui est de la tribu de Quraysh, et la tribu de Hashim, la famille de Hashim, d'épouser un autre qui fait partie de la tribu de Tamim ou de Qahtan, hein, que ce soit les gens du Najd ou du Yémen ou d'autres régions parmi les Arabes et parmi les autres tribus, et le contraire également. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur parmi les gens de la famille de Hashim, c'est-à-dire Hashim, il a épousé Zainab bint Jahsh. Et elle, elle n'est pas de la tribu de Quraysh, elle est de la tribu de Bani Asad ibn Khuzaymah. Donc, ça prouve que c'est permis pour une tribu qui est considérée plus noble d'épouser une femme d'une tribu qui n'est pas considérée aussi noble parmi les, par, par les hommes. Il donne un autre exemple aussi. Wa Sauda bint Za'ma wa Umm Salama wa Aisha wa hunna lasna min Bani Hashim, comme par exemple Sauda et Umm Salama et Aisha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a épousés, ainsi que Hafsa bint Umar et Juwayriya bint al-Harith. Toutes ces femmes-là ont épousé, ont été des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, radiallahu anhum, mais malgré ça, elles n'étaient pas de Bani Hashim. وتزوج عليه الصلاة والسلام صفية بنت حيي وهي من بني إسرائيل. الرسول صلى الله عليه وسلم a épousé صفية بنت حيي et elle fait partie de بني إسرائيل. C'était une fille de des enfants d'Israël. Et aussi il dit وتزوج عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أم كلثوم بنت علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما وهي من بني عدي وهو من بني عدي وهي من بني هاشم. عمر بن الخطاب لا يبتزي أم كلثوم لا في علي بن أبي طالب إذ فاطمة رضي الله عنهم. عمر lui il n'est pas de بني هاشم, il est de بني عدي, et elle est de بني هاشم. أم كلثوم لا في علي, elle est de بني هاشم. Et وتزوج عثمان رضي الله عنه رقية وعليكم السلام وأم كلثوم ابنتي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من بني أمية وهما بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بني هاشم. Comme par exemple عثمان il a épousé deux des filles du prophète صلى الله عليه وسلم, أم كلثوم et رقية, et ce sont deux filles de Bani Hashim, alors que Uthman est de Bani Umayyah. C'est deux tribus ou deux familles différentes. والوقائع في هذا الباب كثيرة جدا كلها تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يكونوا يبالون بأمر النسب إذا استقام أمر الدين. Tous ces exemples-là, ça prouve que le prophète صلى الله عليه وسلم ainsi que les Sahaba رضي الله عنهم, il ne donnait aucune importance à la question des origines, ou de la lignée, ou de la famille pour les questions de mariage si la personne était droite dans sa religion. Après le cheikh il dit ومما يدل على ذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم زوج أسامة ابن زيد فاطمة ابن قيس بنت قيس فاطمة بنت قيس وهي قرشية وأسامة مولى من بني كلب. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم, parmi les choses qui prouvent ça, le prophète صلى الله عليه وسلم a donné à épouser ou a fait Osama ibn Zayd épouser Fatima bint Qais. Et Fatima bint Qais est une femme Qurashiya, c'est une femme de Quraysh, c'est-à-dire une femme qui est considérée parmi les gens nobles parce qu'elle est de la tribu la plus noble des Arabes. Tandis que Osama est un esclave. Il est un esclave de Bani Kalb. Et وهكذا Abu Hudayfa ibn Utba ibn Rabi'a ibn Abd Shams زوج ابنة أخيه الوليد على مولاه سالم. Donc Abu Hudayfa ibn Utba ibn Rabi'a, il a épousé, il a donné sa fille, il a donné la fille de son frère en mariage à Al-Walid, la fille de son frère Al-Walid, il l'a donné en mariage à son esclave Salim. C'est ça. Donc ça veut dire que il donnait sa fille, alors que lui il est de Quraysh, Hein? Et Salim est un esclave. Donc, un esclave qui marie une des femmes parmi les femmes nobles. Hein? Et pourquoi? C'est parce que on regardait pas son origine ou sa tribu, on regardait sa religion. Si il est droit dans sa religion, c'est un homme qui est bien, qui est droit, qui crée Allah, on le marie et il devient noble. C'est la foi, c'est l'iman qui le fait devenir noble. C'est plus les questions traditionnelles de parenté ou de lignée ou de famille ou des choses de ce genre. Et après, il dit, وهكذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه زوج أخته الأشعث ابن قيس وهو تيمي قرشي والأشعث كندي يمني من قحطان. أبو بكر الصديق il a donné sa sœur en mariage à un homme qui s'appelle الأشعث ابن قيس et lui il est كندي de la tribu de كند et il est du Yémen parmi les descendants de Qahtan, alors que elle, c'est une Qurashiya, sa sœur, hein, Taymi Qurashi. Donc, ça c'est un autre exemple. Et il dit, وَهَكَذَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ عَوْفِ الزُّهْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ زَوَّجَ أُخْتَهُ بِلَالِ ابْنُ رَبَحِ بِلَالِ ابْنُ رَبَحِ الْمُؤَذِّنِ وَهِيَ زُهْرِيَ قُرَشِيَ وَبِلَالِ مِنَ الْحَبَشِ. L'exemple, Abdurrahman ibn Auf, qui était un des gens de Quraysh, qui a donné sa sœur en mariage à Bilal ibn Rabah. Il a donné sa sœur en mariage à Bilal ibn Rabah, qui était un esclave de l'Éthiopie. Hein? Il a épousé une des femmes parmi les nobles des Arabes. Et, il dit ensuite وهذا كله يدل طالب العلم على جواز نكاح الإنسان من غير قبيلته إذا استقام الدين وفيما ذكرناه من الأدلة والوقائع كفاية إن شاء الله. Donc il a mentionné ça comme exemple et il dit que dans ça il a la preuve pour celui qui recherche la connaissance à ce sujet de la permission pour une personne de se marier avec quelqu'un d'une autre origine ou d'un autre pays ou d'une autre tribu ou d'une autre famille, peu importe son statut, peu importe sa lignée ou sa noblesse ou quoi, peu importe de ses exemples, ok? Parce qu'il y a des gens qui disent « Ah non, nous on est de telle origine, de tel pays et on est de telle classe sociale ou de telle famille et donc on ne peut pas accepter quelqu'un qui est en bas de nous ou des choses de ce genre, même si la personne est mustaqim, elle est sur la religion, elle pratique sa religion comme il faut et elle est droite. Donc ça prouve que les musulmans se sont éloignés de l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'exemple des sahaba. Hein? Et donc nous quand on appelle les musulmans à revenir à l'islam, à revenir au Coran et à la sunna, à revenir à l'exemple des sahaba, et bien c'est ça ce qu'on explique aux gens. C'est-à-dire, on doit accepter l'islam, mais on doit en même temps revenir à l'exemple comment les premiers musulmans appliquaient l'islam, comment ils comprenaient l'islam. Hein, pas juste de continuer à vivre selon des traditions qui sont contraires à l'islam, puis de dire ça y est, on est musulman, puis c'est correct. Et on continue de vivre dans les contradictions puis l'ignorance. Donc, il faut vraiment combattre les traditions, les coutumes, qui sont contraires à notre religion. Et c'est ça ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu faire. Il est venu opposer toutes les traditions et toutes les coutumes qui sont contraires à la loi d'Allah et aux règles d'Allah. Si les gens vont juste rester là avec le statu quo et de dire « Ah ben c'est comme ça que ça marche depuis il y a les 300 ou 400 ans, alors ça veut dire personne n'a le droit de venir changer nos affaires », ça veut dire qu'on n'a pas accepté de se soumettre à Allah et à son messager comme il faut. Hein? Donc il faut vraiment être déterminé à vouloir changer nos manières et nos voies si elles sont contraires au Coran et à la Sunna. Donc ça c'est des points. Puis un autre point que je veux mentionner avant de rentrer dans disons le début de la question du mariage, et de l'importance du mariage, Un autre point qui est important de mentionner, parce que depuis quelques temps on a eu de plus en plus de cas comme ça, puis c'est nécessaire de mentionner ça pour avertir les musulmans à ce sujet-là. C'est que de plus en plus il y a des femmes musulmanes qui demandent à se marier avec des hommes qui sont pas musulmans. Puis il y a des femmes qui m'appellent ici des fois à la mosquée, puis elles me disent que elles veulent se marier avec un homme qui est pas musulman, mais elles demandent qu'il se convertisse à l'islam. Bon, c'est bien que l'homme se convertisse à l'islam, mais si c'est juste pour se marier, eh ben ça vaut pas grand chose. Donc le problème, c'est ça la question. Est-ce que vous voulez que l'homme se convertisse juste pour dire qu'il dit une parole avec sa bouche comme un perroquet, et puis après ça vous mariez avec cet homme et puis il continue à vivre avec la femme comme s'il n'est pas musulman? Ça c'est pas correct, bien entendu. Et donc je vais lire une fatwa à ce sujet-là pour rappeler le danger de cette question-là. Ok, on a posé la question à un cheikh, on lui a demandé « هل يجوز للمسلمة للفتاة المسلمة أن تتزوج من رجل نصراني قرر الإسلام لأجلها حيث أنه طلب الزواج منها وأخبرها بأنه سوف يترك دينه ويتحول إلى الدين الإسلامي أفيدوني فأنا أعلم أنني سبب إسلام هذا الشخص. On a posé la question, est-ce que c'est permis pour une femme de se marier avec un homme chrétien qui a accepté son islam pour cette femme, parce que il a demandé la main de cette femme et il lui a dit que il allait abandonner sa religion et accepter l'islam pour se marier avec elle. Donc il veut savoir, on veut savoir est-ce que c'est permis, parce que je sais que je suis la cause pour que cette personne-là accepte l'islam. Et la réponse c'est لا يجوز للمسلم أن تتزوج بكافر أصلا لقوله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. Ça c'est une ayah dans sourate Al-Mumtahana. Ça dit que ce n'est pas permis à la base pour une musulmane d'épouser un kafir. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit, elles ne sont pas permises pour eux, pour les mushrikines, pas permis pour une musulmane d'épouser un mouchrik, et eux, ils ne sont pas permis pour elle, ils ne sont pas halal pour elle. Ok? Donc, ils ne doivent pas épouser une musulmane et elles ne doivent pas épouser des koufars. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat al-Baqarah, n'épousez pas un mushrik, un kafir, yani, jusqu'à ce qu'il accepte la foi. Et un esclave croyant est mieux qu'un mushrik, même si le mushrik vous plaît. Donc ça veut dire que même un esclave, s'il est mu'min, il est meilleur qu'un kafir qui n'est pas esclave. Yani. Surat al-Baqarah, mais l'ayah n'est pas marqué. Mais je vais te le dire après, inshallah. فَإِنْ أَسْلَمَا وَحَسُنَ إِسْلَامَهُ جَازَ ذَلِكَ. S'il se convertit et qu'il devient un bon musulman, dans ce cas-là, c'est permis. وَلَكِنْ لَبُدَّ مِنْ اِخْتِبَارِهِ قَبْلَ النِّكَاحِ بِمُحَافَظَتِهِ عَلَى الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَسَائِرِ عِبَادَاتِ وَتَعَلُّمِهِ الْقُرْآنِ وَالْأَحْكَامِ وتركه الشرك والخمر وجميع المحرمات وتبديل الديانة في إقامته وجوازه وهويته الشخصية والانتظار بعد إسلامه مدة يتحقق بها كونه مسلما حقا لئلا يتخذ الإسلام حيلة إلى الزواج ثم يرتد على عقبيه فإن فعل ذلك وجب قتله لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. Le cheikh, on lui a demandé, donc il continue la réponse, il dit il faut par contre le tester, avant de lui donner cette femme en mariage, pour voir est-ce qu'il préserve ses 5 prières par jour, est-ce qu'il fait le jeûne, est-ce qu'il applique les autres adorations de l'islam, est-ce qu'il apprend le Coran et les règles de l'islam, est-ce qu'il a abandonné le shirk, est-ce qu'il a abandonné l'alcool et les autres péchés, le porc et les autres choses, est-ce qu'il a changé la mention de sa religion dans ses papiers officiels, est-ce qu'il a fait savoir qu'il est converti à l'islam, est-ce qu'il a changé la mention de sa religion dans ses papiers officiels et tout, parce qu'il y a des fois il mentionne dans certains pays, il mentionne sur la carte la nationalité, la carte de nationalité ou autre chose de ce genre, il mentionne la religion de la personne sur la carte. Ça c'est pas partout comme ça, mais dans certains pays c'est comme ça. Donc si c'est possible d'avoir de faire changer ça, alors tu le fais. Et il dit qu'il faut attendre une certaine période pour voir que la personne a vraiment changé et qu'elle est devenue une bonne musulmane, pour être sûr qu'il devient vraiment musulman pour Allah et non pas uniquement dans le but de se marier avec une femme, puis après il rejette l'islam ou bien il ne pratique pas l'islam et il quitte l'islam. Donc le cheikh il mentionne le hadith qui dit que celui qui a quitté l'islam ou qui a changé de religion, alors la punition c'est qu'il doit être exécuté, et ça bien entendu c'est dans les règles de la charia pour l'apostat. L'apostasie c'est la punition, c'est ça. Mais en tout cas, ça c'est une autre question, mais c'est juste pour dire que ça arrive de plus en plus. Des femmes qui appellent pour dire « Ah, j'ai rencontré un Québécois, j'ai rencontré un Québécois qui est chrétien, ou qui est athée, ou qui est de n'importe quelle autre religion ou croyance, et puis il veut se marier avec moi. Moi je lui ai dit, il doit être musulman. » D'accord? Et des fois il y a des problèmes aussi dans ces situations-là, c'est que ces femmes-là, elles sont pas pratiquantes. Souvent c'est des femmes, elles-mêmes sont pas des pratiquantes. Donc elles portent pas le hijab, elles font pas la prière, hein, elles se mélangent avec les hommes. En partant, comment elle a fait pour connaître cet homme, si elle est une pratiquante? Hein, c'est quand même pas normal qu'elle puisse arriver à connaître cette personne intimement pour arriver à vouloir se marier avec cette personne, alors qu'il y a plein de musulmans qui sont nés musulmans ou qui sont musulmans depuis longtemps et qui veulent se marier, puis qui ne trouvent pas de femme à marier. Hein. Donc, alaykoum salam. Et puis comment tu veux qu'une personne se convertisse à une religion alors que toi-même tu n'es pas encore en train d'appliquer cette religion-là et tu donnes même pas la bonne exemple, hein? Et souvent c'est des femmes qui veulent pas épouser des hommes musulmans qui sont déjà pratiquants parce que elles veulent pouvoir suivre leurs désirs et leurs passions, et que si elles épousent des hommes musulmans, eh bien les musulmans vont lui dire: je veux que tu te voiles, je veux que tu fasses la prière, je veux que tu restes à la maison. Et si elle épouse un autre qui n'est pas musulman, qui se convertit et qui ne connaît pas l'islam bien, elle va pouvoir faire ce qu'elle veut, parce que lui il ne sait pas, il va pas juger selon les règles de l'islam, il va juger selon la culture qu'ils ont ici les gens, de laisser la femme faire tout ce qu'elle veut, hein. Et donc elle va pouvoir suivre ses désirs, ses passions. Et c'est pour ça parfois que ces femmes-là cherchent des hommes qui sont pas musulmans et qui disent la ilaha illallah sans faire des fois non plus par la suite pour appliquer et pour pratiquer l'islam. Et une fois même, il y a un frère qui m'a raconté une histoire qu'il y a un homme qui s'est converti à l'islam. Ils lui ont donné comme condition que s'il veut se marier avec la fille, avec leur fille, il devait aller faire le hajj. Ils ont dit, si tu veux te marier avec notre fille, tu dois aller faire le hajj avant, sinon on ne va pas te donner notre fille. Donc il s'est converti à l'islam, il est allé faire le hajj. Quand il est revenu, il a dit « je ne veux plus marier votre fille, parce qu'elle ne pratique pas l'islam ». Donc ça avait fait un choc, mais c'est… Ben oui, hein, c'est bien parce qu'Allah l'a guidé. Hein. Donc alhamdoulilah, des cas comme ça, c'est pour faire réfléchir les gens des fois. Hein, que tu veux que quelqu'un soit musulman pour te marier avec elle, mais toi-même tu pratiques pas la religion musulmane. Donc il y a une contradiction dans des cas comme ça. Ok, donc je ne vais pas mentionner le nom parce que c'est une personne qui a changé maintenant. Donc à l'époque, on l'a mis dans les livres des fatwas des ulama, mais actuellement, bon, elle a des positions qui font que les gens ne retournent plus vers lui pour demander des fatwas. Toutefois, qu'est-ce qu'il dit, c'est al-Faqiyani. Dans cette question-là, il n'y a pas de doute. Mais si tu viens après, je vais te le dire en privé, c'est qui la personne, inshallah. Tayyib. Ok. Maintenant, on va commencer à parler de la question de l'importance du mariage. Et donc, on va mentionner les preuves de l'importance du mariage dans l'islam. Okay? Premièrement, l'ordre du mariage. Okay? Donc, encore une fois, dans le livre « Tadabir al-Waqiya min al-Zina fi al-Fiqh al-Islami » On lit رغب الإسلام أو رغب الإسلام في النكاح حيث يقول الله تعالى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه بابا بعنوان باب الترغيب في النكاح لقوله تعالى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء وكشف الفكرة الإسلام incité les gens à se marier, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il donne le commandement en utilisant un verbe impératif, en disant « fankihu », c'est-à-dire « épouser » ou « marier », celle qui vous plaise parmi les femmes. Donc l'imam al-Bukhari, il a mis même un chapitre dans son livre de hadith, et comme titre pour ce chapitre, il a dit le chapitre l'incitation au mariage, et comme preuve, il a mentionné ce verset-là, épousez les femmes qui vous plaisent, épousez parmi les femmes celles qui vous plaisent. « Ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba » l'aya, ça c'est le verset 3 dans sourate Nisa, et après il mentionne les paroles de Al-Hafiz ibn Hajar, le chef qui a fait un des ulama qui a expliqué Sahih al-Bukhari, et c'est une des meilleures explications de Sahih al-Bukhari. Il dit, Ibn Hajar, يقول في بيان وجه الاستدلال الإمام البخاري بالآية ووجه الاستدلال أنها صيغة الأمر وأقل درجاته الندب فثبت الترغيب. Donc le chef il dit que pourquoi l'imam al-Bukhari a mentionné ça? C'est une preuve que, pourquoi il a mentionné ça comme preuve? C'est parce que, il y a un verbe impératif qui implique un ordre. Et donc, le plus bas niveau quand on utilise le verbe impératif, c'est qu'on recommande de faire quelque chose. Ça peut être pour l'obligation, ça peut être aussi pour recommander de faire quelque chose. Et dans ce cas-là, on peut donc affirmer qu'il y a une incitation au mariage dans ce verset-là. Après, il mentionne une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit « يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روي أو كما روى أو كما يروي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. C'est un hadith qui est authentique, qui est rapporté par Al-Bukhari, et ce hadith-là, c'est rapporté par selon Abdullah ibn Mas'ud, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux sahaba, aux jeunes, celui d'entre vous qui est capable de se marier, alors qu'il se marie, et celui qui n'est pas capable, alors qu'il jeûne. Même il a dans une autre narration, il a dit, parce que c'est plus facile, si vous vous mariez, c'est mieux pour vous, pour garder vos regards et pour garder vos parties génitales de ce qui est haram. Donc c'est une incitation directe au mariage. Et par la suite, le cheikh il dit que Al-Hafiz ibn Hajar a dit خص الشباب بالخطاب لأن الغالب وجود قوة الداعي فيهم إلى النكاح بخلاف الشيوخ وإن كان المعنى معتبرا إذن وجد السبب إذا وجد السبب في الكهول والشيوخ أيضا. Donc le cheikh il dit que le discours est adressé aux jeunes. Toutefois, pourquoi c'est adressé aux jeunes? Parce que c'est chez les jeunes qu'il y a le plus d'attirance ou d'appel à vouloir se marier, c'est-à-dire à vouloir satisfaire ce désir de se marier. Chez les jeunes, c'est plus fort. Toutefois, chez les personnes âgées, c'est moins fort. Mais si le besoin se fait sentir également chez une personne qui est plus âgée, eh bien, dans ce cas-là, ça s'adresse aussi à eux également, dans ce cas-là. Et après, il dit, وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ النِّكَاحَ وَاجِبٌ عَلَى الْجَمِيعِ لِوُرُودِ الْأَمْرِ بِهِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَيَسْتَدِلُّونَ عَلَى هَذَا بِقَوْلِ إِنَّ التَّحَرُّزْ مِنَ الزِّنَا فَرْضٌ وَلَا يَتَوَصَّلُ إِلَيْهِ أَوْ يَتَوَصَّلُ إِلَيْهِ إِلَّا بِالنِّكَاحِ وَمَا لَا يَتَوَصَّلُ إلى الغرض إلا به فيكون فرضا. Il y a des ulama qui ont dit que c'est obligatoire de se marier pour tout le monde, parce que il y a le commandement du mariage dans le Coran et dans la Sunna, et il se base sur une règle bien connue dans Usul al-Fiqh qui dit que tout ce qui est nécessaire pour appliquer ce qui est obligatoire ou pour abandonner ce qui est haram, alors ça devient lui-même obligatoire. Hein? Donc il dit par exemple que de se protéger du zina c'est obligatoire, et tu ne peux pas te protéger du zina excepté par le mariage, donc le mariage devient obligatoire dans ce cas-là, puisque c'est le seul moyen de se protéger de ce moyen-là. Et ça c'est une des positions parmi les positions de l'ulama. Abu Muhammad ibn Hazm min al-ulama alladhina zahabu ila wujud al-nikah. Parmi les ulama qui ont eu cette position-là, il y a Ibn Hazm al-Andalusi, et lui il a dit que c'est obligatoire, et il dit dans son livre Al-Muhalla, wa fardun ala kulli qadirin ala al-waqt, in wajada min ayna yatazawwaj aw yatasarra an yaf'al ahaduhuma wala budda, fa in ajiza an dhalika falyukthir min as-sawm. Il dit Ibn Hazm, c'est obligatoire pour toute personne qui est capable d'avoir des rapports sexuels et qui trouve une femme ou quelqu'un une femme à marier ou une esclave, qu'il le fasse, un des deux, c'est obligatoire. Et il dit, s'il n'est pas capable, alors il doit jeûner beaucoup. Et ça c'est dans son livre d'Al-Muhalla. Amma amatul fuqaha fa yarawna wujub al-nikah ala man yakhafu ala nafsihi al-wuqu' fil mahdhur بترك النكاح. أما إذا en ce qui concerne la majorité des fuqaha, ils voient que de se marier pour la personne, c'est obligatoire pour la personne qui craint de tomber dans ce qui est haram, hein, que ce soit qu'il craint de faire le zina et ou bien de la masturbation, parce que la masturbation aussi c'est haram. Et si quelqu'un dit par exemple, moi je fais pas le zina, mais il fait la masturbation, c'est comme si il fait également quelque chose de haram, et donc dans son cas, c'est aussi obligatoire pour lui de se marier. Et il dit Ibn Qudama, وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي وُجُوبِهِ فَالْمَشْهُورُ مِنَ الْمَذْهَبِ أو فَالْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ إِلَّا أَنْ يَخَافَ أَحَدٌ عَلَى نَفْسِهِ الوقوع في المحظور بتركه فلينزم إعفاف نفسه وهذا قول عامة الفقهاء. الشيخ الذكى ابن قدامة dit que la plupart des ulama ont dit que, yani des ulama des Hanabila, ils ont dit que c'est obligatoire. Et ça c'est ce qui est connu dans le madhhab al-Hanbali en général, que ce n'est pas obligatoire, excepté pour celui qui craint pour lui-même qu'il va tomber dans le haram, qu'il va tomber dans le haram en ne se mariant pas. Donc c'est obligatoire pour cette personne qui craint de tomber dans le haram de se protéger lui-même en se mariant. Et ça, c'est la parole de la majorité et la grande partie des ulama, ils disent tous cette chose-là. وقال الإمام القرطبي المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة من حيث لا يرتفع عنه ذلك إلا بالتزويج لا يختلف في وجوب التزويج عليه. الإمام القرطبي qui est un des imams de l'Andalousie lui aussi et qui est maliki, il dit que la personne qui est capable de se marier et qui craint pour lui-même de se faire du mal, des fois c'est pas nécessairement qu'il craint de tomber dans le zina ou de faire autre moyen de choses qui sont haram, mais peut-être il craint aussi que ça lui fasse un mal psychologique ou physique, parce que le fait qu'une personne reste sans se marier, eh bien, ça peut jouer avec son psychologique aussi, ça peut jouer avec son, disons, sa santé, son équilibre mental ou son équilibre sentimental ou beaucoup d'autres aspects aussi qui peuvent souffrir à cause du fait qu'il reste éloigné d'une femme. Hein? Donc, dans ce sens-là, s'il craint que ça lui amène un mal de ne pas se marier et qu'il est capable de le faire, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de divergence entre les savants pour dire que c'est obligatoire pour cette personne de se marier si c'est la seule façon pour lui d'enlever ce mal de sa personne. وَيُقَدَّمُ النِّكَاحُ عَلَى الْحَجِّ فِي مِثْلِ هَذِهِ السُّورَةِ يقول ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية إن احتاج الإنسان إلى النكاح وخشي العنت بتركه قدمه على الحج الواجب وإن لم يخف قدم الحج ونص الإمام أحمد في رواية صالح وغيره واختاره أبو بكر. Donc à ce sujet-là, les ulama ont mentionné que si quelqu'un craint que lorsqu'il ne va pas se marier, il va tomber dans le haram, il va lui arriver du mal en se mariant pas, et qu'il n'a pas fait le hajj, qu'est-ce qu'il doit faire en premier? Est-ce qu'il doit faire le hajj qui est obligatoire, prendre l'argent qu'il a pour le hajj, ou bien prendre l'argent qu'il a pour se marier en premier? Le chef, il dit, il doit prendre l'argent pour se marier en premier, parce qu'il craint de tomber dans le haram. Mais s'il ne craint pas pour lui-même de qu'est-ce qui est haram, alors il peut faire le hajj en premier. Ça dépend de ça, de comment il est, s'il se sent correct, s'il n'a pas il n'a pas peur de tomber dans ce qui est haram, c'est-à-dire il n'a pas un besoin très très grand pour lui de se marier. Dans ce cas-là, pour lui c'est correct s'il est capable de retarder le mariage, d'aller faire le hajj en premier, ça c'est correct pour lui. Et même il y a des ulama, comme le cheikh Ibn Uthaymin, il l'a mentionné, dans le livre, il dit que de se marier, c'est mieux pour une personne que de faire des prières de nawafil ou des choses de ce genre. Donc, c'est-à-dire, c'est mieux de faire le mariage que de faire des actes d'adoration qui sont recommandés. Hein? Ok. Également, qu'est-ce qui fait que le mariage est très important, c'est que ça fait partie de la sunna des messagers. Hein? Tous les prophètes, en général, se sont tous mariés, à part Isa, alayhi salam, qui est monté aux cieux avant de se marier, Allah l'a élevé aux cieux, mais d'après ce que des gens ont raconté parmi des ulama, qu'il va se marier lorsqu'il va revenir à la fin des temps, et il va avoir des enfants. Donc ça c'est ce qui est rapporté à ce sujet-là, wallahu a'lam. Mais le cheikh il dit رغب الإسلام في النكاح إذ قرر أن النكاح سنة المرسلين وسنة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. Ça c'est le verset 38 dans sourate الرعد. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et nous avons envoyé des messagers avant toi, et nous leur avons donné des épouses et des enfants. Et donc ça c'est une preuve que ça fait partie de la sunna des messagers de se marier et d'avoir des enfants. Et il mentionne les paroles de l'imam al-Qurtubi dans son tafsir au sujet de ce verset. « هذه الآية تدل على الترغيب في النكاح والحظ عليه وتنهى عن التبتل وهو ترك النكاح وهذه سنة المرسلين كما نص عليه الآية. » Donc le cheikh il dit que dans le tafsir il a dit que ce verset là prouve que c'est recommandé qu'on est incité à se marier, hein, encouragé à se marier, et que l'islam interdit at-tabattul, c'est-à-dire de rester célibataire et de ne pas se marier, et d'abandonner le mariage, et que ça fait partie de l'exemple et de la sunna des messagers, comme on le voit dans ce verset. Ar-Ra'd, le verset 38. Ensuite, il mentionne l'exemple qui est rapporté dans un hadith. روى الإمام الترمذي عن أبي أيوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح أربع من سنن المرسلين. Ça c'est rapporté par al-Tirmidhi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prophète sallam a dit selon Ayyub, selon Abi Ayyub, que quatre choses font partie des sunnah des messagers. Le premier c'est la pudeur, al-haya, la timidité, at-ta'attur, de mettre des parfums et des choses qui sentent bon, as-siwak, l'hygiène buccale, de se nettoyer les dents avec le miswak et la bouche en général, et al-nikah, le mariage. Ça, ça fait partie des exemples ou de la voix des messagers. Et une chose semblable a été rapportée également selon Ibn Majah, par Ibn Majah. Et on a vu également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي » Celui qui abandonne ma sunna ou qui délaisse ma sunna, il n'est pas de moi. Hein? Et il a dit ça dans quelle occasion? Il a dit ça dans l'occasion des trois hommes qui sont venus voir Aïcha radiallahu anha pour lui demander comment était l'adoration du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quand ils sont partis, un d'entre eux a dit, ah, moi si c'est comme ça, eh ben, je vais toujours jeûner, et je vais jamais manger le jour. Je vais jeûner toute la nuit, je vais jeûner tous les jours. Hein? L'autre, il a dit, moi je vais pas dormir la nuit, je vais prier toutes les nuits, je vais jamais dormir. Et l'autre a dit, moi je vais pas épouser des femmes, je vais toujours rester sans femme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le lendemain il a entendu ça, il était fâché. Il a dit, j'ai entendu que des gens ont dit telle chose. Il dit, moi je prie des fois et je dors. Des fois je jeûne et des fois je jeûne pas. Et j'épouse des femmes. Celui qui délaisse ma sunna, il n'est pas de moi. C'est pour dire que ça fait partie de la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et, yani, il y a d'autres hadiths également qui mentionnent que c'est interdit dans l'islam de se faire castrer. Vous savez que ça veut dire castrer? C'est comme de se faire couper les testicules ou quelque chose comme ça, pour pas avoir d'envie ou de désir sexuel. Il y avait dans certaines religions, chez les bouddhistes, chez les hindous, chez les chrétiens, des gens qui faisaient ça parce qu'ils voulaient s'abandonner uniquement à l'adoration, à la prière et aux jeûnes et aux choses de la religion. Ils voulaient avoir aucun rapport avec les choses de la vie mondaine. Alors ils ont dit, nous, on va se faire castrer, comme ça on n'aura plus de désir pour des femmes, et donc, qu'est-ce qui va arriver, c'est que on va se concentrer uniquement vers la prière, et etc. Et ils ont demandé, il y a des sahaba même qui sont venus pour demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Ya Rasulallah, est-ce que tu nous permets de nous faire castrer pour qu'on se fasse castrer comme ça, on ne va pas avoir d'envie pour les femmes ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de le faire, d'accord, a interdit aux gens de le faire. Et donc ça montre l'importance du mariage. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, d'accord, puis on continuera ça la semaine prochaine, inshallah, dans ce qui concerne les exemples et preuves qui montrent l'importance du mariage, inshallah. Donc on a fait quand même un bon bout de chemin aujourd'hui, puis on continuera donc la semaine prochaine, bismillah. الله سعيتنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.